Sí, señor. Quel abisson comme on a eu pour tout ça là. Natango tout ça n'a besoin de ma pamboli. Natango tout ça n'a besoin de ma cambo la bisou qui n'est pas libosso. Mais d'un mini n'a qu'à dire mon cas. Comme moi, Kofi et comme à côté de ma collègue, comme moi, Yézou. Bien que Kofi a zané car Kofi a zané pour ça avec esclavité. Bateau et babou, vous vivez et sous l'ibar à comme on a été dans mon encore. Ah, vraiment. N'a pas qu'on a bien mis sur terre. Mais ni ni quoi. Voilà y'a papa Charlie à Kenya, à Tikel n'a chargé à Miami, pour pouvoir déjeuner n'a y'a même Magali, Annabelle, Nkombo y'a Kofi, et à la magie à Lumpemba, Nkombo y'a Mopawi, et puis ça cache à l'heure, moto trop. Et si y'a Bana, Nkoba Louba Yoye, Luka Kofi n'a problème, Nkozo actualité. Kosa la komo ya Kofi, pa n'importe quoi yé. Kasi komo a mo pawe, eko kite eko remplace, Nkombo ya Jésus, et pa ya ba yabazo luka li pamboli, ko luka salut éternel. Mais pourquoi va tout mingi na komo yo, pa mi komi sa esclave, ya Nkombo ya Rambo. Bako kateko vivre sako tanga kako mounaye Yaya na didi Alpha Mkonde Kameida wakayoko Jojo weya Wapijwa olorenso Kaya Kofi Pome mango na unu Epa ya Guterres Na yuibiza wango watika Mopa ukimia Moro mokeye Sasungeso Wapi foru ya simbe Alasan watara Penga foru kagame Kaya Kofi Bome mango na konsey De sekurite Pa eta mombre batia ba vitu Kondro e ba jalou Ya Kofi ya bili mounyampara Fali ipupa Fiturin e yosundur Vincent Gomez Loluka non formu teba Atana merci Oh, c'est la célébration comme la grande Paoui. Comme la moto et le bama koleka. Ma problème sérieux yamboka. Et à la gâte, que cela se sache une fois pour toutes. Nana koka nanga nani on saute. Nana naka kamoto kaka. Merci. Alpha Nkonde, nanga nefa makisal. Hugo Golondele, Kino Ele Ngoya Malheur ya Kofi, beau protège mon amusé, topé dans le Pentagone, la USA. Bango bien, 10 sur 10, Bango Barako Kanatu, Kazima Soumounio Soumoukili, Kakase Yamoupaoui, toujours. Quanto consamba, pourquoi Bossi Bolongaki avant procès? Dino Bosa parfait, Dino a ta défaut au coquet. Nazana Nyonga va confifio, Nazana esclave ya boulot, Nazana Nyonga ya batoyo, Balinga kamusala, Koye salam avec un raffinement. L'amour de l'Antoine. Nanya kuna mama mie Nanya kutela ditimi. l'école. Même à l'école, c'est du calcul à bien. Samuel est le numéro 9 d'Africa. Didier Dorva, Romelu Lukaku. Samuel Eto'o,